se tourner. Ne voulais pas trop. Ce soir, je rentre chez moi. J'ai tellement de choses à faire avant que les jours se lèvent. Et pendant qu'elle dormira, moi, je lui construirai de rêves. Pour que plus jamais au réveil, elle ne se lève les yeux en pleurs. Et pour que cette longue nuit ne soit plus jamais noire et profonde, je demanderai à la lune de remplir le ciel tout entier. Et pour que je puisse encore avoir les sourires comme avant, je demanderai au soleil de briller même l'hiver. Et pour que puisse encore chanter les chansons de notre bohème, je construirai un silence plus grand de cette cathédrale. J'irai réveiller les âmes, je parlerai des heures entières. Et je sais que mes suivants, tant que nous resterons amants, allons se promènera, tout ensemble on dansera, d'incroyables sarabandes. Elle oubliera sa peine, et pour que la ville danse, et pour que la ville chante, on inventera des couleurs, elle oubliera ses larmes. Choisir une étoile, parce que Marguerite est douce, parce que Marguerite est belle, parce que Marguerite est douce, parce que Marguerite est belle, parce que Marguerite m'aime, moi je n'ai vivré pour elle. Marguerite est ma raison, elle en que Marguerite est seule, je veux toujours après de moi. Marguerite, Marguerite, Marguerite est tout pour moi. La. Marguerite, Marguerite, Marguerite est tout.